La semaine dernière, Sinistros et moi, nous vous avions annoncé en fin d'émission que l'édition de cette semaine ne comporterait rien de particulier ou de spécial. Eh bien, encore une fois, nous vous avons menti. Et pourquoi est-ce que nous vous avons menti? Eh bien, c'est simple. C'est parce que c'est ce que nous faisons de mieux, bande de cons. Effectivement, ce soir, je serai le hôte unique de l'émission, du moins pour une certaine portion de cette émission, puisque je recevrai la formation trifluvienne Hellborn. Et étant donné qu'il reste encore à Sinistros un minimum de décence et qu'il s'agit de son band, il ne s'auto-interviewera pas. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque les vies vous intéressent. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, 'cause Pendragon said so. Go! PDN vous invite au mercredi Bling Bling. Pour seulement 4$ l'entrée, les filles ne payent rien de 9h à minuit et ce prix d'entrée inclut une consommation pour les gars. Un DJ et un band surprise vous y attend. De nombreux prix à gagner pour ceux qui portent le plus de Bling Bling. Le PDN, 3600 rue de la Pinède, Trois-Rivières. Le mercredi, sors ton Bling Bling. Consommez avec modération. Réservé aux 18 ans et plus. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 3 décembre 2013, de cette année de disgrâce 2013, que dis-je? Première édition du mois de décembre et il n'en reste que 3 avec celle-ci avant la pause des fêtes qui sera, ma foi, presque bien méritée. Je dis presque parce qu'en fond, on n'a pas fait grand-chose. Mon assistant, comme toujours, est malheureusement Sinistros. Bien le bonsoir. Toi-même. Ah, c'est lui qui dit, c'est lui qui l'est. Hein? Hein? Personne à ta pipe, hein? Quelle pipe? Ah, je sais pas. Non, c'est ça. Comment ça va? Mais c'est pas pire. Pourquoi? Parce que. Ah, OK. Autre chose intéressante à dire? Pas du tout comme à l'habitude. Ouais, moi non plus. Donc, on va mettre un terme à ça. Ce soir. On a une émission chargée encore une fois. Pourquoi est-ce que je m'obstine à le dire? C'est la même chose à tous les semaines, semaine après semaine. Ben, parce que c'est la vérité, voyons. Et lorsque ça sera une émission surchargée, ben, on se posera des questions. Ben, voilà. Ce soir, je vais dire nous recevons, mais non, ce n'est pas le cas. Je reçois Elborn. Je vais me transformer l'espace d'une demi-heure. Tu te changeras ta voix pour qu'on te reconnaisse. Oui, c'est ça. Et pour l'occasion, ça s'appellera Sinistros. OK. Ça, c'est un peu plus tard, c'est dans à peu près une demi-heure de ça. Mais pour l'instant, laissez-moi vous faire la nomenclature de ce premier bloc musical qui contenait, ma foi, plusieurs vieilleries. En fin de bloc, on a eu la formation Exodus et la pièce Brain Dead que l'on retrouve sur Pleasures of the Flesh qui est paru en 1987 sur l'étiquette Combat. Tu veux te taire un peu, toi? Bon. Nous avions Hand Tracks et la pièce Howling Furies. Ah, oh, quel bon album. Fistful of Metal, premier album de cette formation qui est paru en 84 sur Megaforce. Hey, ça, c'est la première fois que je passe à Réanimation parce que j'ai redécouvert cette formation-là. Tank! Tank! Merci. Ah, tu me payeras ça tout à l'heure. Et la pièce CV Artillery, que l'on retrouve sur la première parution de cette formation, qui vient du New Wave of British Heavy Metal, soit de London, en Angleterre, Filth Hounds of Hades, qui est paru en 1982 sur... Et je croyais qu'il y avait une erreur, mais non, c'est vrai, c'est camouflage, et non camouflage, c'est camouflage. Camouflage. Ouais, camouflage, ou camouflage. C'est une sorte de céréale, ça. Ça se peut. Et camouflage de collard. C'est peut-être le principe de, voyons comment, l'Ovaltine. Oui, c'est ça. N'oublie pas de prendre ton Ovaltine. Et nous avions Iron Maiden, juste avant Tank, avec la pièce Killers, de l'album du même nom, qui est paru en 81. Étiquette EMI, nous avions ouvert avec Judas Priest, une pièce qui avait bien, bien, bien longtemps, ça se compte en plusieurs années, que je n'avais pas diffusé sur les ondes, soit Desert Plains, qu'on le retrouve sur l'album Point of Entry, qui est paru en 1981. Si je ne m'abuse, c'était le 7e album de la formation, je crois. C'est là qui a fait son coming out, ça, Point of Entry? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est venu après. Bon, un autre jeu de mots plates. Quoi qu'il en soit, c'est l'album qui est sorti tout de suite après British Steel de 1980. Et moi, j'aime beaucoup Point of Entry, mais je pense que c'est un album qui a été sous-estimé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des titres assez importants comme Heading Out to the Highway, qui était quand même une pièce très, très connue de Judas Priest. Qui joue encore à un poste anglophone. Oui, oui, effectivement, oui. Il y a eu aussi Heading Out to the Highway. Ah oui? Oui. Puis Heading On With The Highway aussi. Pour ne nommer que ces trois-là. Oui, c'est ça. Voilà. Comme j'ai dit un peu plus tard dans l'émission, nous allons recevoir Hellborn. Soit dit en passant, si vous ne le savez pas déjà, c'est la formation de Sinistros, formation qui donne dans un death metal. C'est un trio. Je ne sais pas si le trio va être là présent au complet ce soir, mais bon, on le verra tout à l'heure, parce que toi-même, tu n'as pas eu une confirmation officielle et formelle. Tout un ban, hein? Bon. Il n'est pas capable de... Tu ne pas toi le gérant du band à part ça? Non. T'es quoi, toi? Rien. Ça, je pensais aussi. T'es quoi dans la vie, toi? Alors, je sais pas. Moi, je suis le co-animateur de réanimation présent. Mais à part de ça, pour les trois heures de la semaine, là, c'est quoi? Faut-tu faire d'autres choses? T'es pas obligé dans ton cas. Okay. Donc, c'est peut-être même mieux pour le reste de l'humanité. J'aurai les chroniques cinéma et musique aussi ce soir et qui ne sont pas nécessairement excessivement favorables. Ça a l'air à courir après ça ces temps-ci. Ou bien c'est toi qui cours après la merdouille finalement. Va donc savoir. Mais c'est comme je t'expliquais la semaine dernière, je suis très aventureux, surtout au niveau du cinéma. Ouais, mais là, tu t'aventures en terrain vaseux pour moi. Mais à ce temps-là, c'est assez glissant, merci, ouais. Bon. Ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement avec cette fois-ci le premier bloc choisi par ce chose à côté. Là. Cette chose... Puis? Ben, un bon bloc de progressif métal. T'appelles ça bon, toi, là, ce que je vois là. Ben, c'est supposé, c'est supposé. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'était bon. Ben, j'en ai des nouvelles pour toi. Ça a peut-être changé. Et voilà. OK. C'est bon. Pourri. Pourri. Voivode, pourri. Vecteur, pourri. Alaroum, pourri. Puis ATS aussi. Ben, ATS, toi. ATS, oui. OK. Voivode, la pièce Chaos Monger, qui est tirée de Dimensions Atroces. C'est paru en 1988 sur Noise. Ça sera suivi de Vector et Venus Project, et on continuera... Vector qui sont des fervents admirateurs. Oui, ben pas des clones, là, mais... Des grands admirateurs de Voivode. Ils ne se cachent pas pour dire que, ah oui, on connaît ça, Voivode. Parce que si jamais ils se cacheraient, ben ça serait... Une grosse menterie. Effectivement. Alors, allons-y tout de suite avec une excellente pièce de Voivode, Chaos Mongers. Let's go! peut-être débordé par ta fin de session, t'as peut-être pas été sage toute l'année. Pas grave, la barrique te garde pareil. Pour Noël, cours la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 50$ qui comprend de la bonne bière de microbrasserie, des grignotines, un décapsuleur, ainsi qu'un verre de collection. Allez chercher votre coupon de participation dans votre journal Zone Campus, déposez-le directement à la barrique ou encore dans la boîte privée à cet effet, ici même, dans nos bureaux, à C'est Fou. Psst! L'indice, c'est Blanche-Neige. T'as-tu compris? Blanche-Neige. Oublie pas, pour tes parties des fêtes, c'est à la barrique qui vend la meilleure bière. La barrique, 4170, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Dans la lignée de Sky Punka, retrouvez désormais tous les vendredis soirs les Bonnets Rouges de 22 à 23 heures. Les Patriotes de l'UQTR profitent de la période des fêtes pour se refaire des forces ainsi que pour remercier ses chers supporters. Prochain rendez-vous au Colisée de Trois-Rivières le mardi 7 janvier à 19h pour un match de hockey les opposant aux Redmen de McGill. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Pour information, uqtr.ca/patriotes. C'est fou. 89.1. Et puis, bien entendre, ATS. Avec Fictitious Glide, tiré de l'excellent album Jupiter, séparé en 2010 sur Season of Mist. On serait peut-être dû en avoir un autre, là. Ce serait peut-être cool. Ben, ce sera pas un luxe. Non, ce sera vraiment pas un luxe, effectivement. Alarum, qui sont les petits frères de ATS, finalement. Les petits frères des pauvres. Les petits frères, ouais, ben c'est ça. Ils sont peut-être plus pauvres parce qu'ils sont en Australie, ça coûte plus cher à venir se voir aussi. Avec la pièce de Signal, c'est paru en 2011 sur Natural Causes, avec le label un peu moins connu, Willowtip Records. Vector, les espèces de clones de Voivod, avec Venus Project, tiré du dernier album Outer Isolation, qui est paru en 2011 sur Heavy Artillery. Et finalement, Voivod, Chaosmongers, tiré de Dimension Atroce, de 88, qui était paru à l'époque sur Noise Records. C'était pas mal plat, tout ça, là. Oui, c'est. Comme d'habitude. Ben oui, mais au moins t'es fidèle à toi-même. Ah! Il y a un conservateur comme moi, tu changes pas ça. T'es encore drôle. Trouve-moi pas à part, toi. Je vous rappelle que côté musical, le 4 décembre, si je ne m'abuse, c'est supposé être demain, ça? Normalement, oui. Si les choses n'ont pas changé, vous devriez pouvoir avoir le EP de Behemoth qui porte le nom de Blow Your Trumpet Gabriel. Donc, ça risque d'être un petit peu malsain. Hein? Sauf dans ta trompette, moi, c'est Gabriel. Ouais. Le 10 décembre, l'album de Mastodon Live. Et en décembre aussi, je n'avais pas encore de date d'arrêté. En tout cas, je n'ai pas trouvé un autre EP pour Gojira, Ossie Shepherd. Avec donc, la superbe pochette. Donc, il y a vraiment à chier. On dirait le Thibault à regarder la flaque. Le oui, OK. Oui. C'est, je viens de voir la ressemblance soudainement. J'ai expérimenté quelques trucs cette semaine. Ça a l'air que ça va pas bien ton affaire dans l'expérimentation ces temps-ci. Non, c'est pas génial, non, je dois le dire. formation que j'ai connue il y a plusieurs années, qui était en fait pas rebâtie sur les cendres de Crumb Soccer, mais il y avait des membres de Crumb Soccer qui avaient formé le band Propane. Tu te rappelles de ça? Oui. Premier album surtout. Ouais, c'est peut-être le premier album pour moi qui a été, comme je dirais, plus intéressant, quoique j'écoute plus ça du tout, là. Mais je me suis dit, nouvel album Propane, plusieurs années plus tard. On fait un petit peu nostalgique, on va essayer. Ouais, ça faisait pas mal, je dirais, avec le titre comme Final Solution, je me suis dit, c'est probablement très radical, là, mais ben, bon. C'est ça, fait que donc c'est à écouter en cas de solution finale, là. Ben, ça aurait pu l'être parce que ça mérite juste un 4 sur 10, là, c'est pas très très bon. Bon, il se qualifie maintenant de Hard Groove Trash Metal. J'ai plus vraiment vu le suffixe core là-dessus, au hardcore. Mais je te dis qu'à l'écoute, oui, il y a encore du hardcore qui sort de ça, qui est très old school, évidemment, là. Mais, j'ai trouvé ça très, ça sonne vide, c'est fade, là. T'sais, moi, quand je vois le nom Groove Metal, je me dis, ben, il va y avoir de quoi, là. Ça va swinguer un peu. Pas vraiment, non. Donc, 4 sur 10, moi, c'est sur l'étiquette Steamhammer Records. Je passe outre de ça et puis je ne vous le conseille pas du tout. Enfin, At Last, Legion of the Damned. On a une date d'annoncer pour l'album Ravenous Plague. C'est le 3 janvier 2014. Ça commence à être juste le temps. Ouais, on l'attend depuis le mois de juin, cet album-là. Ben oui, effectivement, il est remis de mois en mois. Il sera sur l'étiquette Napalm Records. Donc, très belle pochette aussi, d'ailleurs. J'ai vraiment hâte d'entendre ça parce que là, c'est le nouveau line-up d'une certaine façon. Ben, le nouveau guitariste. Le nouveau guitariste, c'est ça. Ouais, parce que là, il était. Il était-tu deux guitaristes, eux autres? Non. Il y avait tout le temps juste un guitariste, oui. Hein, qui a quitté pour. Ben, parce qu'il y a l'écurie du band et de la tournée. L'écurie de tout ça. Ben là, il y a un nouveau band là, qui s'appelle Kill Division. Okay. Qui est quand même assez différent de Legion of the Damned. Ben, d'après moi, il va s'en tenir à pas de grosse tournée, parce qu'on sait que Legion of the Damned, avec cet album-là, j'ai comme l'impression que ça va être worldwide. Ben, là, ça se peut que ce soit overseas, ouais. Mais je pense que tu m'avais expliqué que l'ancien guitariste qui a quitté avait décidé de plus revenir à un niveau familial, ainsi de suite. Ouais, ben, c'est ça, il veut rester près de chez eux. Ben, il s'en rentre chez eux, il dit, ben, c'est plate, tu sais, je vais former un autre band. Ouais, mais possiblement, son autre band, il peut peut-être le laisser juste chez eux aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ouais, le local. Tu sais, pour faire le tournée, puis juste, regarde, on va aller. Peut-être juste pour continuer à s'amuser. Autre truc que j'ai essayé, ça c'est vraiment un pitch, je te dirais, c'est du blindness là, carrément. Là. C'est un split CD qui comporte deux bandes, un band qui vient des États-Unis qui porte le nom de Nude Rush et une autre formation japonaise qui s'appelle Coffins, que tu connaissais un peu. Ben, Coffins, c'est très bon, le dernier album est très très bon, c'est un genre de doom assez psychédélique là, avec un vocal assez. Assez méchant. Oui, hein, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai écouté Nude Rush qui donne dans un sludge Doom. J'ai trouvé ça très ennuyant. Très ennuyant, vraiment. Là, quoi, c'est pas compliqué. J'ai marqué Nude Rush est un groupe qui sonne Doom sans l'être vraiment, avec un vocal paumé. Je n'aime pas. Bah. Ça résume assez bien la situation. Tandis que Coffins, la formation japonaise, ben, pour moi, c'est une coche au-dessus, là. C'était plus intéressant. Le vocal c'est quand même relativement doom, lourd, mais le vocal est beaucoup plus méchant. Mais moi, c'est genre de split-là. Là. J'ai toujours eu comme un genre d'appréhension. Oui. Parce que c'est comme si c'était des. Bon, ben, on va sortir des rejects de ce que tu as fait qui étaient moins bonnes, puis on va les offrir aux fans en mettant deux bandes sur le même CD. Oui. Puis ça va peut-être mieux se vendre. T'sais, les fans d'un vont peut-être qu'en être l'autre. Je suis d'accord avec toi. Finalement, t'écoutes ça, puis. C'est pour les collectionneurs. Ou ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai le même type d'appréhension, mais là, je me suis dit, bon, je vais faire un test. On sait, sait-on jamais. C'était pas encore vraiment concluant. J'ai arrêté mon expérimentation musicale, là. J'écoute plus de musique, c'est terminé. Non, ben, pour jamais d'expérimentation de nouveautés. Non, je n'écoute plus jamais de musique. D'ailleurs, quand on en met ici, moi, je ferme les écouteurs. Ouais, mets les deux doigts dans les oreilles. Ouais, puis. Non, je chante pas, mais c'est de la musique. Ah oui, c'est vrai. Fait que je me compte des blagues. Non, musicalement, c'est à peu près tout ce que j'ai tenté d'explorer cette semaine. Cinéma, j'en ai un petit peu plus, mais ça, c'est pour tout à l'heure, parce que maintenant, toi, tu changes de nom. OK. Tu changes de voix aussi. Salut! Bon, je pense qu'on va passer un autre appel, finalement. Parce que j'ai deux membres de la formation Hellborn ici avec moi en studio. J'ai celui que vous venez d'entendre et qui s'appelle Clown. Clown, hey, c'est mon nouveau surnom. Évidemment, lui reconnu sur Sinistros. Et j'ai Barbas aussi, qui est le batteur de la formation. Salut. Bonsoir. Hey, salut. Ça va bien? Oui. Je suis content de t'avoir avec nous. Hey, c'est pas compliqué parce que ça fait un peu bizarre d'avoir en entrevue son co-animateur. Donc, moi, ce que je vais vous demander, simplement, parce que vous avez fait le lancement de votre premier mini-album il y a quelques semaines. La date déjà? Le 2 novembre. Le 2 novembre. Je pense que la façon que Sinistros me parlait ça, la réponse a été assez bonne, semblait-il. Oui. Je vais juste vous demander de parler de votre formation en début d'entrevue, comme ça, d'expliquer grosso modo comment c'est venu, qu'est-ce qui en a fait que vous êtes devenu à faire maintenant Hellborn, comment vous êtes rencontrés. Le chanteur n'est pas ici présentement, Zach, il est absent pour des raisons d'ordre mental, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ça ne m'était pas trompé. C'est toujours ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que vous deux, vous êtes capables de quand même, vous êtes quand même les deux membres qui sont les plus d'origine de la formation, même avant qu'elle s'appelle Hellborn. Donc, vous êtes peut-être à même de nous conter un peu cette historique-là. Peux-tu y aller? Bon, pourquoi pas. Dans le fond, Hellborn, c'est l'union de trois démons. OK? OK. Le concept, il est là. OK. Puis, On est revenu sur la Terre pour propager la mauvaise nouvelle. Ah, ça, c'est pas gentil. Non. C'est ça. Ça commence comme ça. OK. Puis, c'est sûr, à force d'acharnement puis de tourments de toutes les sortes, on est venu à bout de créer ce qu'on voulait, justement. C'est le produit... C'est le début du produit final que t'as dans les mains. OK. Le deuxième va sortir là, sous peu. On travaille déjà sur le prochain album. Ça, dans le fond, ce que tu me dis là, Heart Punishment, c'est le premier jet du Triumvirat Infernal, si je premier comprends. Premier jet, oui, puis non, parce qu'il y a certaines vieilles pièces comme il y a certaines nouvelles pièces. Parce que des pièces, on en a quand même un bon paquet, dans le fond. Là. OK. On a travaillé, tu sais... on trouve des riffs, on monte des tunes avec ça, et des fois, les tunes vont être 3, 4, 5 mois qui vont être sur la glace. À un moment donné, oups, on ressort ça, puis on les joue, mais c'est sûr que certains que Barbas et moi, on a joué dans d'autres bandes avant. Il y a certaines des pièces de ces bandes-là qui sont revenues pareil avec Elborn. OK. Mais vous aviez joué ensemble avant. Oui, c'est ça. Vous aviez joué ensemble avant sous un autre nom, vous aviez fait avec d'autres membres, ainsi de suite. C'est un tout nouveau concept. C'est ça. Là, dans le fond, ce que vous avez fait, c'est que vous avez dit, bon... Ce qui a été fait, ça nous a amené au point où on en est rendu. Maintenant, on passe sur une nouvelle identité, on refait du nouveau matériel. Mais qu'est-ce qui vous a amené à dire, bon, on est rendu à faire cet enregistrement-là? Dans le fond, à quoi je voulais en venir, c'est que c'est vraiment l'union de trois êtres uniques, dans le fond. Parce que si tu regardes Zach, il y a une voix qui est assez stridente. Mm-hmm. Oui, lui, c'est parce que son origine, c'est un black metal, dans le fond. Okay. C'est normal qu'on va avoir... une légère couleur okay. à ça. Mais au départ, nous, le produit, c'est du old school death metal. OK. Fait qu'il va avoir certaines influences, mais on est tous des êtres uniques. Mm-hmm. C'est ça qui va donner la couleur. Qui a donné la couleur Elborn? Mais toi, Barbas, tes influences personnelles, tu vas les chercher où, généralement, au niveau de la musique? Ben, je vais dire, plus récemment, mettons, ça va être Jungle Rot, puis Legion of the Damned. Okay. Mais je pense toujours aux années 80. Okay. Dans le bon vieux temps de Destruction, Celtic Frost. Mm-hmm. Puis ce qui a vraiment marqué, on se base beaucoup sur les racines du métal. Exactement. Okay. Dans le fond, vous êtes tous les deux un peu des old school. On est issus de ça. C'est ça. Oh, oui. Okay. On veut absolument traîner ça, ce bagage-là. On veut ramener ça à date. Okay. C'est sûr qu'on essaie de recréer un peu le feeling sans la sonorité désastreuse de l'époque. Là, ouais, c'est sûr que c'était un inconvénient à l'époque. Ben, les enregistrements on était tout prêts avec ça. C'était comme nouveau. Mais là, avec le 2013, où ce qu'on sait que c'est aseptisé, mm-hmm. On ne veut pas se rendre jusqu'à l'aseptisation du produit fini. Là, okay. Mais quand même, assez trouver un son. Un compromis entre le old school et le new school, dans le fond. Okay. Ben, toi, Sinistro, je les connais un peu, tes influences. Mais qu'est-ce qui... comment je pourrais dire ça? Toi, qu'est-ce que t'amènes principalement dans dans les compositions du band? Ces influences-là, tu vas les chercher où? Puis qu'est-ce que tu vas en ressortir exactement? C'est quoi les ingrédients que tu mets dans ça? Ben, pour Elborn, moi, t'avoue bien franchement, c'est à cause de toi, ça. Donc, c'est j'ai fait encore. Non, mais tu sais, c'est parce que quand j'ai commencé à écouter du death, à un moment donné, c'est, tu vois comme le métal d'une autre façon. Puis je me suis mis à composer des riffs pas mal plus méchants. Okay. Puis à un moment donné, je me suis procuré une guitare à 7 cordes. Donc, mm-hmm. on est tombé comme plus gros. Ben oui. Puis à un moment donné, on est allé pratiquer. Puis on avait essayé des vieilles chansons. Vu que le bassiste, Lucky, il avait une basse à 5 cordes. Ben, je dis, pourquoi faire qu'on n'essayera pas telle tune, mais dropper en si. Mm-hmm. Dans le fond, ça joue pareil comme normal, mais on joue plus gros. OK. Puis le résultat que ça a donné, ben, on a comme tout fait le saut, tu sais, toi. Les pièces ont pris une autre dimension. Ben là, c'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on était capable de riffer différemment. On était capable de. Barbas était capable d'amener des passes de drum qui étaient différentes. Tu sais, qu'on n'avait jamais réussi à comme placer ou, tu sais, mm-hmm. À un moment donné, à force d'écouter un paquet de trucs comme Legion of the Damned ou Jungle Rot, tu vois comme d'autres dimensions. Ouais. Puis tu t'aperçois que ces bandes-là. Ben, c'est old school aussi, là, tu sais, finalement. Là. Oui, absolument. Mais avec sûr. Un nouveau son, fait qu'on, nous autres, on s'est aperçu que, bon, on en jette très bien là-dedans. Le meilleur des deux mondes, dans le fond. OK, c'est correct. ça l'explique bien. Le concept de Heart Punishment, j'aimerais le comprendre. J'aimerais que vous l'expliquiez. Quel est le concept du titre de cet album-là, Heart Punishment? Il n'y a pas réellement de concept en tant que tel. OK, on passe à une autre question. C'est sûr et certain que ça tourne autour de l'enfer, mais tu sais, ce qu'on essaie d'expliquer avec Hellborn, c'est que l'enfer, finalement, c'est sa terre, là, tu sais. Mm-hmm. On est des démons, tu sais. Chacun de nous est un démon, finalement. T'sais, chaque humain est finalement possiblement possédé par le malin. Mm-hmm. Fait que le Earth Punishment, c'est ça, c'est nous autres qui vont comme faire péter la planète, finalement. Là, On est là pour recruter notre légion, justement. Moi, ça va pas, moi, là. mini-album qui comporte, si on exclut l'introduction, comporte 6 pièces. C'est drôle parce qu'il y a vraiment il y a un side A et ouais, B là-dessus. C'est, c'est un war side puis un L side. C'est ça, effectivement, c'est cool. Puis si tu trouves le CD, ben, tu vois vraiment comme l'étiquette de Banzai Records à l'époque. Ça, si vous voulez, messieurs, on va déjà l'écouter quelques... Ben, en fait, moi, je tiens à ce qu'on passe l'introduction parce que je trouve que ça fait une belle ouverture. On va l'écouter l'introduction, puis on va l'écouter Burnt with the Free Winds of Hell, puis on revient en onde tout de suite après. Ça vous intéresse, ça? Parfait. Ouais, ouais. Good. Thank you. 20h18, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et nous sommes en compagnie de deux des membres de la formation trifluviale Hellborn, soit Barbas, ici, que vous voyez ici là-bas. Alors, vous ne voyez pas, les micros vous cachent, c'est vrai. Et Sinistros, qui est toujours aussi malheureusement malade. Toujours aussi puant. Oui, effectivement, toujours aussi puant. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, mon cher Sinistros? Eh bien, c'est une pièce qui s'intitule toujours, d'ailleurs, oui? Burn, Burn, Fire, Winds of Hell. Mm-hmm. Qui, au départ, l'intro était comme mixé avec la pièce, puis on a pris la décision de comme séparer ça légèrement. Okay. Ça a donné plus de jeu en spectacle. Ah, parce que c'est pas vous autres qui jouez en spectacle, c'est non, l'album? C'est l'album, ah, okay, on fait slip-sync, c'est ouais, comme Jeunesse d'aujourd'hui. Joël Denis et compagnie, oui, c'est très bon. J'aimerais que vous me parliez un peu du processus d'enregistrement avec lequel vous avez travaillé, parce que je sais que vous avez fait ça de façon « do it by yourself ». Donc, Sinistro, c'est quelqu'un quand même que je sais qu'il travaille depuis longtemps avec studio maison, ainsi de suite. Mais comment vous avez procédé pour votre travail d'enregistrement? Il y avait déjà de la pré-production de fait, parce que quand on a des nouvelles pièces, sont déjà... Toutes les structures sont montées avec un drum électronique, dans le fond. Là. OK. Bon, moi, je soumets ça, généralement, je fais la majorité des riffs et tout. Je le soumets ça aux deux autres, puis ensemble, on décide si tel riff, il est trop long, ou peut-être celui-là, on pourrait l'enlever, on pourrait en mettre un moins joyeux, tu sais. Donc ça, c'est pas pire, c'est un processus de... C'est un travail d'équipe. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Oui. Dans le fond, où j'amène du stock, ou comme la pièce Hellborn, ben c'est Barbas qui est arrivé à un moment donné, il dit, garde... Il dit, moi, j'ai tel riff, tel riff, tel riff. Fait qu'il m'a joué les riffs. Puis, bon, ben, attends une minute. On est parti, on a enregistré, puis on a fait carrément une pièce. Puis ça a fait, ah, ben, on vient de faire la pièce Hellborn. Fait que dans le fond, quand vous avez des idées que vous mettez en place, vous tapez tout de suite automatiquement pour avoir une espèce de backup de tout ça. Ben, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Si on veut. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec tous mes projets musicaux. T'as un riff dans la tête, plutôt que de le laisser mourir. Mais c'est pas long de prendre ta guitare, tu sais, c'est déjà branché, tu fais play record, puis c'est fini, t'en parles plus. Mm-hmm. À lumière de ce qu'on voit aujourd'hui, en 2013, par rapport, bon, on parlait tout à l'heure des bandes des années 80, on sait que le processus d'enregistrement était pas le même, parce que t'avais pas le choix, les studios maison, ça existait pas, fallait être vraiment dans un studio de plus ou moins grande qualité. À lumière de ce qu'on sait maintenant par rapport à ce processus-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que faire votre produit maison comme ça, vous avez pleinement la latitude de tout de A à Z, que ce soit au niveau des artworks, que ce soit au niveau des choix de la sonorité, de la façon que vous travaillez. Est-ce que c'est un avantage par rapport à une opportunité peut-être, entre guillemets, d'aller dans un studio qui serait dit professionnel? L'avantage. Ben, c'est sûr que l'avantage monétaire est beaucoup là aussi. Ah. Si on fait abstraction de ça. Ben, c'est sûr et certain que studio pour studio, tu me dis, tu parlais d'un studio professionnel tout à fait gratuitement. Ouais, pourquoi pas? Mais où on t'enlève une latitude de travail, là? Ben, ça, c'est sûr que là, la latitude de travail est toujours très importante au niveau artistique, finalement. C'est comme signer pour une compagnie de disques, tu sais. T'as beaucoup de bandes qui voudraient tellement se faire signer. Puis quand c'est là le temps, ben, tu déchantes assez rapidement parce que là, t'as plus de contrôle sur ton logo, t'as plus de contrôle sur ta pochette, t'as plus de contrôle sur les membres de ton band, t'as plus, ouais, t'as à un moment donné. Sur ton son. Sur ton son, c'est. Sur tes choix de pièces, ainsi de suite. Oui, puis c'est ce que tu. Le jeu vidéo préféré que tu veux faire. Oui, c'est sur le genre de mouchoir que tu vas utiliser. Non. T'aimes les hamburgers, toi, t'en manges plus. Mais ça m'amène. Cette question-là m'amène à vous demander, un deuxième volet à la question. Est-ce que demain matin, quelqu'un s'intéresse à vous. Je dis pas une étiquette là, comme EMI ou n'importe quoi, ou Metal Blade, là, c'est pas ça. Quelqu'un s'intéresse à vous autres, puis il dit, ben écoutez, moi je serais prêt à investir dans le band pour aller faire, je sais pas moi, un premier album complet, Full Length, ainsi de suite. Mais en contrepartie, j'aimerais pouvoir avoir d'autres regards là-dessus. Est-ce que vous délaissez cette section, cette offre-là, au profit de dire, on continue à être maître pleinement de ce qu'on fait? Ben, on est toujours ouvert à bien des choses, sauf que pour le moment, c'est comme tu disais, ça nous donne quand même la pleine latitude de faire ce qu'on veut. On peut rester un groupe culte si on veut. On va produire ce qu'on veut, on va sortir quand on veut. Ça, c'est un gros avantage à notre point de vue. Okay. Pour le moment, c'est ça. Si on vit le moment présent, c'est comme ça. Dans le futur, on verra. C'est sûr que sacrifier tes tounes au profit de d'autres bébelles, c'est à voir. Nos ondes sont pas à vendre, sont déjà vendues. C'est bon, c'est bon. Va laisser de cette question-là, parce que c'est donc c'était pas un piège, les gars, c'est juste parce que je voulais qu'on développe là-dessus. Connaissant le marché du métal aujourd'hui, principalement du métal, mais je dis de la musique en général, parce que ça se ressemble à peu près tout à quelque part. Connaissant le marché du métal musical maintenant au niveau du marketing en date d'aujourd'hui, est-ce que vous croyez que concevoir d'avoir un band, c'est on s'amuse pis on n'a pas d'autre objectif? Ou c'est encore, à quelque part, mais vous encore en arrière de la tête, l'idée de dire on pourrait aller bien plus loin que ça? Ça, il faudrait qu'on discute de. C'est du cas par cas. T'sais, moi, j'ai une pensée. Barbas, il y a une pensée, Zach, il y a une pensée là-dessus. Mm-hmm. Jusqu'à temps que ça ne vient pas comme en bouillie, les trois pensées ensemble, ça va. Mais la bonne harmonie. C'est ça. La journée où il va y avoir des dissensions pour. Tu sais, un veut signer pour un gros label, l'autre, il ne veut pas. L'un qui veut faire de la tournée, les deux autres ne veulent pas, on va avoir un sérieux problème. Oui, ça, c'est évident. Mais présentement, votre optique de ban, est-ce que c'est d'avoir du fun avant toute chose ou de voir plus loin professionnellement? Écoute, avoir du fun tout en produisant quelque chose de qualité. OK. C'est là qu'on a du fun. OK. Bon. C'est pas avoir du fun pour avoir du fun. OK. Non, c'est quand ça, même c'est sérieux. Il y a un résultat qui vient avec c'est ça. C'est ça. OK. C'est bon. OK. Les prochaines étapes pour Hellbourne, ça serait quoi? Ben, 2014, peut-être bien quelques spectacles, puis la sortie d'un album, peut-être quoi, d'ici de septembre, peut-être? Ah oui? Un full end? Oui. Ah oui? OK. De toute façon, la liste est déjà là. Vous avez déjà du matériel de préparer? On a du matériel pour en sortir les deux, trois. Ah oui? On a de l'avance. Mais là, faites pas comme Razor, sortir deux par année. Non, mais c'est ça le piège, c'est ça. On pourrait peut-être en surprendre quelques-uns avec les prochains mois. La formule trio, c'est-tu quelque chose qui a un désavantage à un certain niveau? Non, pour l'instant, non. C'est quand même un son qui est pur. Okay. Tu sais, c'est bass, guitare, vocal, c'est simple, c'est un son qui est pur. Mm-hmm. Il y aura toujours place à une deuxième guitare, mais sous toute réserve. Tu sais, quand même, on fonctionne très bien comme que c'est là, on a une très bonne formule. Okay. C'est quand même un power. Mais vous l'avez vécu jadis, là, c'est pas 100 ans de ça, là, mais vous l'avez vécu avec une formule à deux guitares. Avez-vous l'impression maintenant que, peut-être pas en enregistrement, parce que tu peux overdubber si tu le veux, mais en version live, ça devient-tu un handicap? Ben, pas vraiment, parce qu'à l'époque, où on avait Seven Demons Unleashed à deux guitares, les deux guitaristes se complétaient beaucoup. Puis le style musical, ça prêtait plus, parce qu'on était plus heavy metal, dans le fond. Là. OK. Fait que c'était plus, tu sais, genre Motorhead, Judas Priest, des gars, tu sais, Metallica, des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça se prêtait plus. Bon, pendant qu'il y en a un qui part son solo, mais l'autre, il continue sur le rhythm, tu sais, okay. On peut se pitcher. Tandis qu'Hellbourne, c'est vraiment une autre approche. C'est un autre concept, c'est une autre façon. C'est une autre façon de composer, tu sais. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est simple ce que vous faites. Oui, oui, c'est ça le but. Oui, mais je pense que... On ne peut pas étourdir personne. Non. Puis il y a beaucoup de formations qui vont faire dans la simplicité, puis c'est très efficace aussi. Là. On ne se le cachera pas qu'on vient d'avoir... C'est le but. C'est ça. Je pense que vous avez décidé, justement, dans l'aspect... Toi, Sinistros m'expliquait à un certain moment donné que la section lead, vous avez éliminé ça. Il n'y a pas de solo dans Hellbourne. On s'en ressent pas de besoin pour l'instant. Puis, sérieusement... Entendre un solo assourdissant dans un riff qui est vraiment bon, nous autres, on a peut-être préféré mettre des breakdowns à la place. Okay. Tu fais un breakdown de 8 mesures, puis ça remplace un solo. Tu sais, il y a bien des bands qui n'en ont pas de solo. Non, mais c'est pas obligatoire. C'est une approche qu'on a assez intéressante à date, qu'on a qu'on exploité. Les thématiques de vos lyrics, généralement, c'est quoi? Ouais, c'est Zach s'occupe de ça pas mal. Là. Il nous arrive avec des titres à... Assez cool, là. Assez macabre. Ben, c'est macabre. C'est sûr que ça tourne autour de l'enfer, ça tourne autour des démons. Toujours le concept. Le mal, là. C'est ce concept-là. Il y en a qui vont dire que c'est un concept usé. Ben oui, mais regarde, ça fit avec le métal. Ouais, ben pourtant, c'est un concept qui est vieux comme le monde aussi, c'est là. C'est quand même cool. Ouais, ça a des aspects qui sont, semble-t-il, très charmeurs, puisque ça fonctionne bien. Puis tu le vois, dans le fond, sur la pochette, avec une église qui brûle, puis ben oui, effectivement. T'as un ange de la mort qui est là, qui pointe en voulant dire... Un ange de la mort qui dit « Oups! » Qu'est-ce qu'on a fait là? On va écouter deux autres pièces de votre album « Hurt Punishment ». On va entendre la pièce « Hellborn ». Et on va entendre la pièce titre « Hurt Punishment ». Et on revient tout de suite après cette double présentation. « Hellborn ». 20h35, réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et nous sommes de retour avec deux des membres de la formation Hellborn, soit Barbas et Sinistros. Sinistros, pas besoin de te présenter, là. Je pense qu'il est connu comme Barbas dans le passé. C'était pas un bandit, ça? Oui, pas mal, oui. Ben, il y a un dicton qui dit que ce qui se ressemble, ça semble. Messieurs, n'oubliez pas ça. On vient d'entendre les pièces Heart Punishment et Hellborn que l'on retrouve sur le EP Heart Punishment qui est paru il y a à peu près un mois. Ben, gros max, gros max. C'est Hurlemort Productions. Vous pouvez vous procurer ça de quelle façon? Ben, via le band, si vous êtes capable de nous rejoindre sur Facebook ou peu importe, ou sur le e-store de Gally Records. OK. Et au Metal Punk, au coin Saint-Olivier, Saint-Georges, au centre-ville de Trois-Rivières. C'est bien. Je pense que vous avez décidé de faire un petit cadeau à nos auditeurs. Ben oui, vu que vous êtes tous gentils, on... Ben ça, on le pense, là. Ben le premier appel à la station va se mériter le CD, mais juste la boîte. Oui, il faudrait peut-être dire c'est quoi le numéro. Oui, c'est le 376-5183. Appelez quand on ne sera plus en onde, quand ce sera de la musique qui va jouer. Ça va être moins compliqué... Alors, premier appel, quand on va retomber avec de la petite musique, va se mériter un album Earth Punishment de Hellborn. Voilà. En terminant, messieurs, je tiendrai à remercier Barbas, évidemment, de s'être joint à nous. C'est fort agréable. Sinistros, toi, ben, je ne dirais pas quoi. Là. Merci, merci, c'était très gentil. Ouais, c'est ça que je disais. Tu disais quoi, toi, déjà? Et puis... est-ce qu'il y a des dates qui sont peut-être avancées pour un prochain spectacle? Non, il n'y a rien de coulé, il n'y a rien, rien d'annoncé. Là, on va se concentrer vraiment sur le nouveau matériel, dans le fond, parce qu'on a un paquet de nouvelles pièces. OK. Puis ça risque de varloper assez solide, là. Ah, c'est quoi? C'est du métal, vous faites? Non, on est des charpentiers. Ah, vous êtes des charpentiers, OK. Métallurgiste un peu. Métallurgiste un peu avec ça. C'est bien ça, messieurs. Je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, au plaisir de vous revoir sur scène, bien entendu. Et puis, c'est quoi déjà le mot de cambronne? Sur ça, les... Non, c'est pas ça. Tout vous fait foutre? Ouais, non, c'est ça. Ça. Ah non, bizarre, merde, ça. C'est vrai. Merde. Alors, 376-51-83, premier appel. Ça mérite un CD d'Hellborn. Merci, Barbas. En finissant, j'aimerais quand même dire un mot à tous nos fans, nos supporters à date, qui nous suivent, qui sont toujours fidèles. Je tiens à remercier vraiment tout le monde de tout cœur. C'est ça qui nous donne notre jus pour continuer. Mais t'es donc bien cute. Bon. À mes heures. C'est bien, c'est une bonne parole. Merci beaucoup. Sinistros. Oui. On continue avec tes choix poches. Ben, c'est pas supposé d'être les tiens. Non, c'est les tiens. Bon, ben, c'est correct d'abord. Ben, on va avoir un petit bloc qui va bûcher légèrement. On va commencer avec Canal Natrak, qu'on a eu la chance de voir ici l'année dernière au Chic Rock Café Le Stage. Voici une pièce qui s'intitule In Coeloquies, tout finit ici-bas. Go! Go.

À tous les lundis, dès 18h, Mademoiselle Blues est là pour vous faire entendre du blues, que du blues et seulement du blues. Êtes-vous prêt à passer une heure mémorable? Moi, je suis prête. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est fou. 89. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et ben là, on se retrouve avec... Eh oui, le gobelin est de retour. On a entendu, avant la pause, Old Man Child avec Unholy Foreign Crusade, qui est paru sur la dernière parution du groupe en 2009, Slaves of the World. Peut-être que lui aussi devrait faire de quoi, là? Ouais, mais il est occupé avec son demi-burger, alors... Ouais, je sais bien. Mais c'est, j'aime mieux Old Man's Child, je pense. Oui, moi aussi. Finn Troll, Rosette Skung, paru sur le dernier album Bloodsvep, qui est paru en 2013 sur Century Media. Un très bon album en passant. On a eu Delirium's Order avec Maximum Sentence, tiré de l'album Veniversum, qui est paru en 2012 sur DLO Productions. Bifrost, avec Eye for an Eye, de l'album Of Debt, paru en 2011 sur AFM Records. Et Anal Natalak, avec In Quello Quies, Tout Fini Ici Bas, tiré de l'excellent album Vanitas, qui est paru en 2012 sur Candlelight. Le charme suprême de Merlin. Ah ben oui. Ben, il y avait un autre bout de Québec. Oui, c'est ça. Au Sport Betten. Côté spectacle, dans la région montréalaise, BCI a présenté la semaine dernière, samedi dernier, Hellstorm, Trollfest, Gypsy Hog, et semble-t-il que c'était excellent. Moi, j'aime pas vraiment cette musique-là, mais ça a l'air que l'ambiance était très, très festive. Ben, ça doit, c'est la musique joyeuse. Que les gens ont énormément apprécié. Le vendredi 7 février prochain, 2014, évidemment, au Fofones Électriques, c'est Hoggery en compagnie de Han Newman, Terra Mobile et Contemplator. C'est à 18h, c'est au coût de 15$ et 20$, taxes incluses, via admission. Et le samedi 15 février prochain, évidemment, 2014 également, spectacle pour tous au Metropolis qui met en valeur Children of Bottom, Death Angel et Tear. Au coût de 34 et 78 et 39 et 13, plus taxes disponibles via Ticketmaster. Pendant que j'y pense. Parce que tu penses en plus. Ben, ouais. Ça arrive de temps en temps. Non, non, tu fais assemblant, tu nous fais accroire que tu penses. OK, je vais vous répéter la condition qui m'a été shootée. Ça fait deux semaines que je suis conditionné par ça. D'accord. OK. Ce samedi, au Rock Café Le Stage, oui. Vous aurez droit à un spectacle de Noël qui est organisé par Trois-Rivières Metal. Il va y avoir des cadeaux de la part de Gally Records. Si vous avez des denrées, bon. Le Hall Fit de Noël, il va y avoir Blinded by Fate, Eternam et Nordheim. Mm-hmm. Alors, pour toutes les informations possibles et impossibles, allez voir la page Facebook de Trois-Rivières Metal. Tout est là-dessus, avec un beau flyer, tout de Noël, fait par mes bons soins en plus. Ah bon, il y a un autre qui est une espèce de plugueux. Ah ben là, tant qu'à plugger, nous plugons. C'est pour une bonne cause, c'est pour... Oui. Ramasser des denrées en même temps pour... les moins bien nantis. Pour les moins bien, c'est ça. Puis tu m'enlèves les mots du nanti, c'est ça. Je t'enlève le temps là, que je t'enlève juste les mots. Là. Côté cinéma, maintenant, n'oubliez pas que ce n'est pas ce vendredi, mais bien vendredi prochain, le 13, que c'est la partie 2 du Hobbit qui sera en salle. Et j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que je vais essayer d'aller me taper une vue avec une paire de lunettes. Ben, écoute... J'ai jamais testé le 3D encore non. Au cinéma parce que j'ai de la misère avec mes yeux, mais je vois peut-être aller. Pas juste avec tes yeux, là. Mais non, je pense que c'est le cerveau qui marche pas, là, en arrière. Mais en ouais, cas, ça se peut brancher. Veux-tu qu'on l'arrange? Oui. Veux-tu qu'on l'arrange, monsieur, ton cerveau? Ça serait le fun. Ah, OK. Mais écoute, tu dis ça, là, mais moi, là, ça fait pas 100 ans, là, que ça fait même pas une année, là, que j'ai testé le 3D, là, pour la première fois sur le grand écran. J'avais des espèces d'appréhensions à me dire, vas-tu pogner le mal de tête? Non, c'est ça. Non, pas du tout. écoute, bon, j'ai pas de problème de vision à part que je le vois pas de loin, ni de proche, ni de côté. Là. J'ai testé il y a quelques années. tu vois des angles de la mort comme du monde, finalement. C'est ça. j'avais testé un film d'à peu près une cinquantaine de minutes au IMAX il y a quelques années. Oui. C'était la plongée sous-marine, tu voyais les fonds marins et tout et tout. 45 minutes, 50 minutes. J'avais été correct, mais okay. Un film de 2h30, 3h, je ne le sais pas. Écoute, moi, je l'ai testé la première fois avec World War Z. Et puis, j'ai vraiment aimé l'expérience. Ouais. Et ça ne m'a pas paru achalant, mais pas une minute. Pas une, aucun moment du film, ça m'a paru achalant. Okay. Moi, je pense que ça vaut la peine que tu le laisses. Honnêtement, ça vaut la peine que tu le laisses. Ça se peut que ça ne fit pas vraiment avec, comment je pourrais dire, la conception visuelle que tu as, la perception visuelle, mais ça se peut que tu aimes beaucoup aussi. Donc, ça, c'est toujours en parlant du Hobbit. J'ai expérimenté quelques petits firmes. Quelques platitudes. Aussi, oui. Je vais le garder pour la fin, celui-là, je pense. Ben, en fait, pour l'année dernière. Je n'ai pas... Comme les Smarties, mais en moins bon, finalement. Ouais. Le film Riddle... qui est une production de John O. Hartman, qui met en vedette, entre autres, Val Kilmer. Tu sais que Val Kilmer, c'est plus rendu un underdog que d'autres choses. Un vieux fini, ouais. Ben, il a fait pas mal de niaiseries, hein. Ouais. Il s'est laissé aller un peu, donc il y a moins de beaux rôles qu'il en avait, mais quoi qu'il en soit, il est dans le film. Et c'est un thriller. Écoute, à la base, le scénario est quand même intéressant. Riddle, c'est un petit bled américain. Qui ressemble plus à une ville fantôme qu'autre chose. Et Détroit, que ça s'appelle, hein, c'est ça. Et malheureusement, de Detroit Rock City, mais je pense que c'est plus le cas. Allez, dans la ville voisine, il y a un enfant qui disparaît subitement dans une station-service, et puis plusieurs années plus tard, ils ne savent pas du tout où il est rendu. Donc, sa sœur, qui est un petit peu plus âgée, elle, à un certain moment donné, elle travaille dans une espèce de marché public, là, si on veut, à l'extérieur, puis elle est certaine qu'elle reconnaît son frère, qui est dans une camionnette, dont le chauffeur de la camionnette semble être quelqu'un avec une allure légèrement étrange. Donc, elle est persuadée que c'est lui, donc elle part à la poursuite de cette camionnette-là, elle ne la trouve pas, et elle se ramasse à Riddle. Et Riddle, le shérif de Riddle, c'est nul autre que Val Kilmer, qui est un shérif légèrement pas gentil. Et qui lui dit, écoute, l'enquête est arrêtée, ça fait longtemps, puis t'as sûrement halluciné, puis en tout, puis moi, c'est ton problème, c'est pas le mien, tu sais. Mais elle a dit non, il faut vraiment que je trouve cet endroit-là. Et elle se fait aider avec, je dirais, des jeunes avec qui elle est allée à l'école, qui étaient pas vraiment ses amis, mais plus les espèces de bullheads de l'époque. Et puis, finalement, ils découvrent qu'effectivement, le jeune, il est là. J'en dis pas plus. La base du film, du scénario, est intelligente. Ça pourrait faire un très bon trailer, mais ça tombe un peu mollasson par moment. Ça manque un petit peu de rigueur au niveau de comment je pourrais dire, de tu sais, on nous donne un coup de fouet, puis après ça, ben, on nous donne un petit répit, fait qu'on n'est pas sous l'adrénaline comme on devrait l'être. C'est pas complètement paumé, mais ça vaut juste un 6.5 sur 10. Puis, honnêtement, Val Kilmer est pas si mauvais que ça dans ce film-là. Je pense que c'est un bon méchant naturel, lui. Oui, ben... en tout cas, c'est l'impression qu'il me laisse. Écoute, j'écoute beaucoup de films qui sont fantastiques, science-fiction, horreur, beaucoup, beaucoup, mais j'écoute autre chose à l'occasion. Et ici, c'est le deuxième volet de Red... Red 2. Ah, ça, j'ai hâte de voir ça, par exemple. Tu vas probablement rire, papy. Parce que le premier, j'avais grandement apprécié. Surtout... Malkovich. Ben, il est encore meilleur, là, celui-là. Cool. Puis moi, je l'aime pas, John Malkovich. Non? Mais là, celui-là, il est très bon. C'est un film qui met en vedette Bruce Willis, John Malkovich et Mary Louise Parker dans ce cas-ci. C'est un film de Dean Parisot, que je ne connais pas. C'est en DVD en Blu-ray, présentement. Ben écoute, c'est la suite du premier, hein. Red, c'est The Retired, comment déjà? Retired Extremely Dangerous. Ouais. C'est des agents de la CIA qui sont à leur retraite et qui se font, dans le premier film, qui se font redemander de prendre du service pour X raisons. Dans le deuxième, non, ils sont les traqués. Ils sont traqués par ce qui était probablement leurs anciens employeurs. Mais c'est une comédie d'action, hein. Fait qu'il y a un gros aspect qui est drôle par moment. Bruce Willis, c'est tout le temps un bouffon pince sans rire. Oui, mais celui qui est le plus bouffon là-dedans, c'est John Malkovich. Oh, mais comme dans le premier. Il est vraiment bouffon, mais encore plus. Puis, t'as l'impression que son personnage, Marvin, je prends, ou Marvin, il est pas toujours là. Paranoïaque. Dans le premier, c'était ça, tu sais. Il regardait l'hélicoptère, puis fais-toi-en pas. Je te dis, il nous espionne. Pendant 10-15 minutes dans le film, là, demander l'hélicoptère à se m'attirer. Je vous l'avais dit. c'est divertissant, là. C'est un 7.5 sur 10 pour moi. C'est une comédie d'action divertissante. Je ne dis pas que j'aurais le goût de la réécouter encore, là. Mais c'est divertissant, ça fait le travail. Il y a une série que je t'enveille de vous prendre. Sous peu, je vais vous parler parce que je vais l'explorer probablement en fin de semaine. 666 Park Avenue. C'est une série d'horreur qui met en vedette Terry O'Quinn. Est-ce que tu te rappelles de Terry O'Quinn dans Lost? John. T'as pas vu Lost. Bon, celui qui faisait John là-dedans, le chauve, c'est lui qui est là-dedans. Grosso modo, l'histoire, c'est une firme d'avocats. C'est pas une firme d'avocats. C'est un jeune couple qui s'installe dans une maison en temps. Une maison. Un immeuble à logement. Comme étant comment je pourrais dire? Les gérants de l'immeuble, si tu veux. Et puis, tous les locataires ont fait un pacte avec la diable. C'est le fun? Oui, c'est le fun. Ça a une très bonne cote. 666 Park Avenue, j'ai vraiment hâte d'expérimenter ça. Je vais probablement être capable de commencer à vous en parler la semaine prochaine. Autre film que j'ai trouvé intéressant, je te donne peut-être plus dans le mode comédie là la semaine dernière, c'est le film The World's End qui met en vedette Simon Pegg. Simon Pegg, là, c'est un acteur britannique qu'on retrouvait entre autres dans Shaun of the Dead. Mm-hmm. Écoute. Apparemment, c'est très bon. C'est une comédie de science-fiction. Ça commence très, très bien jusqu'au moment où on nous explique pourquoi c'est la fin du monde. C'est drôle. Puis en même temps, je te dirais que c'est cool parce que c'est un film avec une narration au départ. Puis grosso modo, c'est l'histoire de jeunes lycéens qui terminent leur lycée et qu'ils décident de faire un marathon de 12 pubs. OK? De 12 pubs anglais. Mais malheureusement, ils n'y réussissent pas. Parce que, c'est pas des bières qu'ils boivent eux autres, c'est des pintes. Ils ont traversé même des shooters, ainsi de suite. Il y en a plusieurs qui tombent malades, il y en a qui sont plus capables de suivre. Finalement, ils n'en font, je pense, que 8 sur 12. Plusieurs années plus tard, l'instigateur de ce marathon-là, qui, évidemment, on a tous pris de l'âge. Il y en a qui sont tous devenus des hommes d'affaires, décidés ça. Mais lui, non, il s'est impaumé, lui. Lui, il est resté encore avec son T-shirt des Sisters of Mercy. Il s'habille encore gothique, habillé en noir. Mais lui, il a encore la main. Puis, il faut rien de sa vie. Il dit, on reprend le marathon. On le refait. Fait qu'il va chercher chacun de ses chums de l'époque, qui ne voit plus, pas toutes, puis qui sont tous devenus avec des familles, sérieux, ainsi de suite. Puis, il les convainc de revenir. Ce qu'ils font, ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais ils vont. Et puis, il commence un pas, après l'autre. Puis, plus ça va, plus il commence à être bourré. Puis là, on voit que, tranquillement, pas vite, c'est peut-être pas si pire. Mais il y a une évasion d'extraterrestres qui se produit. Ça va bien. Fait que, écoute, c'est quand même bien, là, je veux dire. Je donnerais pas plus que 7 sur 10. Mais honnêtement, il y a des bouts qui sont assez drôles, puis c'est assez divertissant. Et puis, le film à revoir ou à découvrir cette semaine, eh bien, la semaine dernière, j'étais dans un play de Mario Bava. Je suis encore cette semaine avec le très bon film à volet qui porte le titre de Black Sabbath, qui met en scène, entre autres, Boris Karloff. C'est 3 sketchs qui mettent en scène des situations horrifiques. Il y en a un qui s'appelle le téléphone, l'autre les Vourdalax et l'autre la goutte d'eau. C'est vraiment excellent. Principalement celui avec Karloff, c'est vraiment bon. C'est du grand Mario Bava. Ça mérite un 8.5 sur 10. C'est disponible en DVD, en Blu-ray. C'est malheureusement pas trouvable ici au Québec en format version française. Mais écoutez, il y a des images, hein, fait qu'on peut toujours... non, c'est pas comme un livre. C'est comme un livre de comics. Ouais, c'est ça. Non, c'est un très bon film. Black Sabbath, c'est un film de 1963. Nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec un bloc Death Metal. Et on va entendre des formations telles 8 Eternal, Vital Remains, Decide, mais tout de suite Cannibal Corpse et Five Nails Through the Neck. Go! Thank you. Oh! hot sur mes loups. La vie en mauve, c'est des entrevues, des invités spéciaux, de la musique de la Mauricie, des activités régionales, avec vos animatrices Karina Tardy et Mylène Martin. Ne manquez pas La vie en mauve tous les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Suivez-nous sur notre page Facebook. Voici un footballeur durant le match du Super Bowl. Ready! Ready! Hot! Hot! Voici un comédien de la Ligue d'improvisation mauricienne jouant un footballeur durant le match du Super Bowl. Ready! Ready! Hot! Hot! Vous avez noté une différence? C'est parce qu'à la Ligue d'improvisation mauricienne, c'est plus vrai que vrai. Spectacle d'improvisation tous les mardis 20h à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Seulement 5$ pour étudiants. Retrouvez-nous sur Facebook pour l'horaire complet de nos matchs. À tous les lundis, dès 18h, Mademoiselle Blues est là pour vous faire entendre du blues, que du blues et seulement du blues. Êtes-vous prêt à passer une heure mémorable? Moi, je suis prête. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est fou. 89.1. ...21h38. Et devinez où vous êtes? You're in hell! En tout cas, ici, un peu, hein? Oui, oui, ici, c'est... On se sent comme chez soi. En tout cas, on est bien au chaud. Oui! Surtout ce temps-ci de l'année, quoi que dehors, on est très bien, là, c'est pas pire. Ouais, là, c'était fort acceptable. Comparativement à... La semaine dernière. La semaine dernière, ou en fin de semaine, c'était comme un peu plus... Squeeze Zizi, comme on appelle, hein? La marmotte avait attendu à rentrer. Ça rapetissait légèrement. Oui, mais ce n'était qu'un avant-goût, hein? Parce qu'on n'a pas payé de moins 30 encore. Non, mais ça devrait venir. On vient d'entendre les formations death metal suivantes. Formation American. Et tu m'entends, mais. Hein? C'est fou, hein? Oui. C'est fou. Hey, c'est Blackie. Et Eternal est la pièce Sounds of Darkness qu'on retrouve sur l'album High Monarch, qui est paru en 2005 sur l'étiquette Earache. Ah, moi, là, ça, je trouve ça tellement hot. C'est intense, hein? Ah oui, mais c'est ça que j'aime, moi. C'est quelque chose, hein? Non, c'est vraiment pas fin, là. C'est malsain. Ensemble, les gars débarquent du stage puis continuent à shaker, là, ça. Mais, tu sais, je te dirais que ils ont l'air aussi un peu... Un peu weird. Ouais, effectivement, là. Vital Remains. Évidemment, c'était pas la période de Glenn Benton. La pièce de Ward Elysium, que l'on retrouve sur The Christianized, qui est paru en 2003, sur Olympic Records. Dayside, tiré du dernier album et très bon album In the Minds of Evil, soit la pièce Between the Flesh and the Void. C'est paru il y a... Ben, là, c'est paru le 22 novembre. C'est un beau bouclette là-dedans. C'est vraiment cool, là. Ah, c'est. Puis, il a l'air d'avoir une belle édition aussi, vinyle. Ben... Effectivement. Très belle pochette, d'ailleurs. Moi, j'aime vraiment la pochette qu'ils ont pris pour illustrer le titre de l'album. C'est vraiment ça. C'est paru, comme je l'ai dit, le 26 novembre dernier. J'ai dit le 22, mais c'était le 26. Sur l'étiquette Century Media. Et nous avons ouvert avec Cannibal Corpse et la pièce Five Nails Through the Neck que l'on retrouve sur l'album Kill qui est de 2006 sur l'étiquette Metal Blade. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Voulais-tu dire de quoi, moi? Non. Ah oui, c'est ça, je voulais te demander. Toi, Eternal, tu commences à t'acclimater à ça tranquillement. Ben, les pièces que tu passes ici, là, ils me demandent encore si c'est pas une corde de bois qui te déboule, okay. Là, ben, finalement. Non, c'est quand même moins pire qu'avant. C'est ça, tu me fais penser à de quoi? Je me rappelle à l'époque où j'habitais en appartement, et puis c'était en plein hiver. Je me rappelle, c'était un vendredi soir, c'était en plein hiver, puis il y avait une bonne tempête qui régnait à l'extérieur. Puis j'écoutais du Eternal, puis assez fort, la voisine de palier, qui était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Elle pensait que ça a changé. Oui, elle était venue cogner, me dire « Hey, c'est-tu ta musique? » Ben non, c'est un chauri qui vient de se planter dehors. J'ai dit... Non. Les deux. C'est peut-être les deux, effectivement. il reste à partir de dans 20 minutes environ. Il ne restera après ça que deux éditions de réanimation avant la pause des fêtes. Donc, nous terminons le 17 décembre, n'est-ce pas? C'est cela? Oui, c'est cela. Et pour ce faire, nous allons vous offrir encore un petit cadeau qui est un peu un cadeau de grec, là, j'imagine. Nos cadeaux sont toujours un peu empoisonnés, j'imagine. Mm-hmm. Non, blague à part, on va recevoir ici, je peux pas dire l'ensemble des membres, mais quand même probablement les deux tiers des membres de la formation, de la défunte formation Chronicle Disturbance, formation qui a, il y a eu quand même un certain succès, je dirais, écoute, l'album avait été signé en France, là. Oh, oui. Formation qui comportait Alain Lefebvre, Alain Deslauriers, François Richard et, je l'ai nommé tout à l'heure, là, Pierre, j'ai un blanc de mémoire. Delorme. Pierre Delorme, voilà. Merci, excuse-moi. J'avais vraiment un blanc de mémoire. L'album Foggy Creek est apparu en 1980. C'est pas 91? 91. 90 ou 91. A été réédité cette année. Il y a, ben, en fait, c'était pour le Metal Fest, je pense, qui était disponible par Galley Records. Donc, il y a des pièces inédites dessus qui étaient sous version démo ou ainsi de suite. Donc, on va recevoir la formation Chronicle Disturbance ici pour faire la présentation de ce reissue de Foggy Creek, s'entretenir avec les gars, évidemment, pour parce que, bon, ils ne jouent plus ensemble, ça fait un bon nombre d'années, mais quand même, ils ont sûrement des anecdotes à nous raconter, puis quelques bons souvenirs, et voir où ils en sont rendus aussi respectivement. Ben, en fait, Alain Lefebvre, c'est le Rockmaster, donc il est à C'est Fou depuis, c'est l'émission la plus vieille rock classique de C'est Fou, donc on sait un peu ce qu'il fait au niveau musical. Donc, ça devrait être fort intéressant. Sur ce, nous allons continuer musicalement avec cette fois-ci. Ah non, c'est pas encore à toi qu'il incombe. Ben oui. Clore cette édition de réanimation. Et je vous incombe un grand coup de death metal. Ah non. Pour on faire aime suite. Pas ça. Non, non, c'est pour ça que je fais exprès pour en mettre. Oh. Formation canadienne d'Ottawa, Fumigation avec Pediculosis Mommy I Have Less. C'est paru sur l'album Integrated Pest Management et c'est paru il y a quelques mois sur CDN Records. Go. Ben oui, go. 21h54, et effectivement, cette édition de réanimation tire réellement à sa fin. Pour l'instant, mon cher Sinistros. Quoi? Oui, c'est ça après. OK, il n'a pas joué encore? Non. OK, c'est bon. Ouais, je t'ai pas fait ce mauvais coup-là, voyons. Non, mais là, t'es en train de poser des questions. Là, quand tu vas être rendu à ça, je vais dire, ben oui, ça a joué. Ça a joué. Répète-le encore, niaiseux, ça. Parce qu'on. Vous savez, hors onde, on se croise pas les doigts à écouter ce qu'il joue nécessairement. On l'écoute même pas. On l'écoute même pas, sérieusement. On jase, on placote, mais on t'est rendu où, finalement? On se dit, ah, la musique est finie. Ouais, c'est, oh, c'est, des fois, on s'en est rendu compte seulement 15 minutes plus tard. Là, ben oui, ça fait un... C'est pour ça que... Quand on fait semblant qu'il y a eu un bris mécanique, c'est pas un bris mécanique. Là, non, c'est un bris de cerveau. Bien entendre Gorod avec la pièce Elements and Spirits qui est tirée de l'album Perfect Absolution qui est paru vers la fin 2012 sur Listenable Records. Facebreaker avec la pièce Mutilator qui est paru sur Dedicated to the Flesh. C'est un très bon album de cette année qui va faire partie de la revue de réanimation. Mm-hmm. Ça, c'est paru sur Cyclone Empire. Une revue d'ailleurs qui aura lieu au retour de 2014. Ben, c'est cela. Fumigation, qui vient de Ottawa ou Oshawa, en tout cas dans ce bout-là, avec la pièce Pediculosis, Mommy, I Have Less, et c'est sur l'album Integrated Pest Management, c'est paru en 2013 sur CDN Records. Ben, c'est pas mal bien, ça. Ah oui! La semaine prochaine, honnêtement, je vais être très franc, je ne prévois pas de rien de particulier. Ben, je penserai pas. J'entrevois même pas de présentation d'album. Ben, moi non plus, si je me Mais fie... on sait pas. Il peut se passer une semaine. Il se passe une semaine d'ici mardi prochain. Ben, c'est ça. Il peut arriver bien des choses, mais jusqu'à présent, je ne prévois pas quelque chose de particulier. Mais on est menteur. Non, on est tout le temps menteur. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui fait que. Quoi qu'il en soit, nous y serons la semaine prochaine dès 19h et nous allons nous quitter sur quoi? Ben, formation tchèque qui s'appelle Hypnos avec une pièce qui s'intitule Nailed to the Golden Throne. C'est paru sur l'excellent album Heretic Commando, The Rise of the New Antichrist. C'est paru en 2012 sur Einheit Productionen. Sur ce, allez tous vous faire foutre. See you.